La délégation d'études du kimilsonisme-kimjongnisme d'Ouganda, conduite par Odak Paul Michael, directeur adjoint du département de la propagande de la présidence ougandaise, a visité le 9 courant le palais du soleil de Kumsusan pour formuler son hommage au président Kim Il-sung et au général Kim Jong-il.